Chapitre 9e. Conclusion des amours. Mort de Mademoiselle Quatre Sceaux et de la princesse. Fin bizarre de notre héros. Monsieur de Longueville, pensant que la séparation dernière de nos amants ne pouvait manquer de leur déchirer le cœur, éloigna Plinoche sous un prétexte et partit avec la jeune dame pour le logis de Vertamont. « Monsieur, dit-il au mari, cet accommodement s'étant fait par ordre du roi, c'est au nom de sa majesté qu'en vous rendant votre femme, je vous conjure de la bien traiter. Si elle vous a manqué, vous n'êtes pas non plus exempt de tout reproche. Que ses fautes et les vôtres soient donc oubliées, et vivez avec elle en honnête mari, comme s'il n'était rien arrivé. » Vertamont assura qu'il pardonnait les injures qu'il avait reçues. Les larmes de la jeune dame furent mises sur le compte de se repentir, mais le duc assura, au retour de cette visite, que le mari avait fait une méchante grimace qui ne présageait rien de bon. Personne n'a jamais su comment les choses s'étaient passées entre les époux dans leur tête-à-tête après la sortie du prince. Le troisième jour de l'accommodement, un voisin, qui était allé voir notre héroïne, revint en disant que la pauvre dame avait déclaré ne pouvoir supporter sa triste position. Vers le midi, en quittant la table, Madame la conseillère fut prise de douleur à l'estomac qui la faisait beaucoup souffrir. On appela un médecin qui reconnut les effets du poison. En moins de 6 heures, le mal résistant à tous les remèdes, cette infortunée personne rendit l'âme, sans avoir rien dit que ses paroles sinistres. « Je vais donc cesser d'être malheureuse. » Les commères du quartier ne manquèrent pas de faire une rumeur et de crier que monsieur le conseiller avait empoisonné sa femme. Mais il fut prouvé par le témoignage des valets que Madame Vertamont s'était donné la mort. On l'avait vu tirer de sa pochette une poudre blanche qu'elle avait mangée en guise de sel et qu'on présuma être du sublimé. C'en était fait de Plénoge si, par bonheur, Mademoiselle de Longueville ne se fut trouvée à Paris quand arriva cet événement. La princesse devina que notre héros ne voudrait point survivre à sa maîtresse. Elle l'envoya aussitôt prier de venir chez elle avant que de rien résoudre. « Chevalier, lui dit-elle, je vais connaître, dans cette grande occasion, jusqu'où peut aller votre amitié pour moi et combien elle a de vivacité. Je ne doute point que vous n'ayez dessein de vous tuer. Si vous ne craignez pas de me causer un chagrin qui me fera beaucoup de mal, et dont il me faudra bien du temps pour me remettre, accomplissez votre projet, je ne vous arrêterai plus. Si au contraire, vous avez partagé l'amitié que je vous accorde, vous serez retenu par la crainte de me faire une peine qui sera peut-être la plus grande de ma vie. C'est moi qui ai tout mis en œuvre pour amener cet amour entre vous et votre maîtresse. Et je ne m'en consolerai jamais, s'il faut que je vous ai donné la mort à tous deux. Vous sentez-vous assez de courage, et m'aimez-vous assez pour vivre encore après tant de maux? Je vous en aurai de la reconnaissance. Vous aviez eu raison de compter que l'amour vous devait rendre heureux, puisque c'est, dit-on, ce qu'il y a de plus doux au monde. Mais puisqu'il ne vous est plus possible d'espérer rien de cette passion, l'amitié vous peut encore procurer des jours d'un bonheur sans agitation. La mienne s'augmentera par le besoin que vous en aurez, et je vous l'accorderai égale à celle d'une sœur, autant que le permettra l'espace que la naissance a mis entre nous. Lorsque je serai marié, je vous prendrai pour mon chevalier d'honneur. Vous ne me quitterez plus, et nous vieillirons auprès l'un de l'autre en parlant souvent ensemble de vos chagrins et du beau temps de vos amours. » Pour une personne aussi jeune qu'elle l'était, la princesse montrait la connaissance qu'elle avait du cœur de l'homme en disant à Plénoche qu'il ne pouvait plus songer à être heureux par l'amour. Notre héros se fut indigné d'un langage différent et n'eut pas manqué de tenir ferme dans ses mauvais desseins pour prouver qu'on ne savait pas l'étendue de sa douleur. La pensée d'être fidèle à la mémoire de Mademoiselle Quatre Sceaux et de n'aimer jamais d'autre femme lui parut agréable. Il lui sembla doux d'être un exemple de constance et de n'avoir plus en son cœur d'autre sentiment qu'une douleur sans remède et une pure amitié pour la princesse. Il promit à Mademoiselle de Longueville de vivre pour la servir et ne la plus quitter. Il tint parole. Mais un homme est fort à plaindre quand il a éprouvé de grands maux en sa jeunesse, car il n'est pas de raison pour que cela lui épargne les traverses des autres âges. Notre héros n'était pas au bout de ses malheurs. Comme Plénoche atteignit 30 ans pendant les aventures dont nous avons parlé, monsieur de Longueville, qui l'aimait davantage à mesure qu'il le connaissait mieux, lui offrit de le marier à quelques riches personnes de la cour. Le chevalier n'y voulut rien entendre, et quand son Altesse le grondait obligeamment de son obstination, il répondait « « Que voulez-vous, monseigneur ? Je ne puis plus ressentir d'amour. Il y a en moi quelque chose de ce côté qui a perdu la vie. Je ne suis plus bon que pour servir votre Altesse et ses enfants. » Et en vérité, il ne quittait la petite princesse non plus que s'il eût été son ombre. Le lecteur se doit rappeler quelle part extrême Mademoiselle de Longueville avait prise aux amours de Plénoche. jusque-là que sa joie ou sa tristesse était selon que ses amours allaient bien ou mal. Notre héros lui rendit l'appareil, qu'on lui vinrent les premiers troubles de son jeune cœur. Tout excellent qu'était le duc, il avait sur le mariage des idées de père et ces choses communes que celles des enfants soient différentes. Bien que la princesse ne fût point encore en état de prendre un mari, à cause de sa santé qui était fort chancelante, plusieurs grands seigneurs demandèrent sa main à l'avance. La petite Altesse avait sans doute une inclination qu'elle tenait secrète, car elle ne trouvait personne à son goût. Il en arriva des querelles entre elle et son père, dont Plénoche eut du souci. Deux années s'écoulèrent au milieu de ces débats. Enfin, tout semblait près de s'accommoder à la satisfaction de chacun, lorsqu'une fièvre ardente enleva Mademoiselle de Longueville à tant de gens qui l'avaient en adoration. Ce fut une douleur générale à la cour et une blessure profonde au cœur de Plénoche. La princesse l'avait fait venir auprès de son lit avant que de prendre les sacrements pour lui dire ces mots. « Chevalier, vous allez voir dans un autre monde les deux personnes qui vous étaient le plus chères, votre maîtresse et votre meilleur ami. Prenez patience, en attendant que vous veniez à nous. Je rendrai bon compte à Mademoiselle Quatre Sous de la façon dont vous avez gardé son souvenir, afin que vous songiez aussi à moi, et que vous ayez pour cela toute liberté. Je vous laisse 100 000 écus sur les biens de ma mère. » Depuis ce jour malheureux, on ne vit jamais sourire Plénoche. Monsieur de Longueville avait encore un fils, dernier héritier de son nom et de ses grands biens. Notre héros s'étant donné à lui le vit périr au passage du Rhin en 1672. Le jeune prince fut tué sous les yeux de son oncle de Condé, qui commandait l'armée. Les mémoires de ce temps et les lettres de Madame de Sévigné en ont fort retenti. N'ayant plus rien qu'il retint à la cour, Plénoche rentra dans sa province et retrouva sa maison de Corbeil comme il l'avait laissée. Il y vécut quelques années en homme farouche, ne voyant point ses voisins, car ses malheurs lui avaient donné de l'hypocondrie. Le valet Champignon était la seule personne dont il eut l'abord pour agréable. Son humeur bizarre n'ayant fait qu'accroître dans l'isolement, il se mit un jour en tête de redresser les torts à la ronde. Lorsqu'il apprenait qu'un gentilhomme avait commis des tyrannies ou qu'il rendait la vie dure à ses gens ou à sa famille, Plénoche le sommait de se conduire plus doucement ou de se battre avec lui. Plusieurs de ses cartels furent relevés, et il eut le bonheur d'en sortir sans recevoir de grosses blessures. Le premier défi qu'il envoya ainsi fut à un père qui voulait contraindre sa fille unique à entrer en religion afin de lui garder le bien qu'elle avait. Notre chevalier donna de son épée dans la poitrine de cet homme et l'obligea de marier la demoiselle comme elle le souhaitait. Une autre fois, ayant su qu'un gentilhomme du pays ne respectait point les clôtures des champs et ravageait les terres d'autrui en courant le gibier, Plénoche acheta 30 chiens, pour le plaisir de les mettre sur un lièvre dans les bois de ce gentilhomme. Une querelle s'ensuivit avec un duel. Notre héros blessa encore son adversaire et lui fit payer rançon à ceux dont il avait gâté les blés. La cervelle de notre héros se monta sans doute par ce succès jusqu'à un degré proche de la folie. On parlait fort en ce temps-là des méchancetés d'un certain Montsoreau, qui venait de l'assassin de Bussy d'Amboise. C'était un homme féroce qui pendait ses paysans à des branches, détroussait les passants, levait des impôts forcés et fabriquait encore de la fausse monnaie. Un jour que Plénoche s'ennuyait, il eut pris l'envie d'aller chercher ce Montsoreau jusqu'au fond de la Bretagne. Il courut un pays fort sauvage pendant un grand mois avant de le joindre. Il le trouva enfin, par hasard, dans une hôtellerie où ce brigand battait le pauvre monde et volait l'argent au lieu de payer sa dépense. Plénoche entra dans l'auberge que Montsoreau se mettait à table et jeta par terre d'un revers de sa canne les pots et les bouteilles. Il sauta ensuite à la gorge de son adversaire et, lui mettant la pointe de l'épée sur l'estomac, l'obligea de crier merci. Montsoreau promit tout ce qu'on voulut, mais lorsqu'il se vit relâché, il prit vilainement un pistolet dont il tua notre héros par derrière à bout portant. Ainsi finit le chevalier de Plénoche, comme il l'avait vécu, c'est-à-dire singulièrement. Il était environ dans sa 40e année. Le valet Champignon le fit mettre en terre au cimetière d'un petit village sur les côtes du Morbihan. Comme il ne laissait aucun héritier, son bien retourna au roi, qui en fit présent à Mademoiselle de Blois, fille naturelle de Madame de Montespan et de Sa Majesté. Depuis lui, personne n'a porté ce nom de Plénoche, qui avait de l'étrange comme le personnage et que lui seul l'a fait un peu connaître. Quant aux 4 sous, ils demeurèrent fameux dans la robe. Pendant bien des années, on a dit, en manière de proverbe, « Il n'y a point de chambre des comptes sans 4 sous ». Ils ne donnèrent pas de démenti à leur sang et se montrèrent de père en fils aussi avares qu'orgueilleux. Ainsi s'achève Les amours du chevalier de Plénoche et de Mademoiselle Quatre Sous par Paul de Musset.